Chapitre 6. De nouveaux hôtes étaient arrivés à Hooker Park, la superbe résidence voyait régner maintenant entre ses murs, dans ses jardins et dans son parc immense, une animation ininterrompue. Seules Mademoiselle Noué et Magali demeuraient à peu près paisibles, loin du monde aristocratique et brillant qui s'agitait à quelques pas d'elles. Magali résistait fermement aux instances de Lady Isabelle, qui aurait voulu lui voir prendre sa part de tous les plaisirs d'Hawker Park. Elle ne paraissait guère au milieu des hôtes du duc de Staldiff que pour rendre quelques services demandés avec amabilité par la duchesse ou sa fille, commandés sèchement par Lady Ophelia, dont l'aversion semblait se développer chaque jour. Il en était ainsi cet après-midi. Magali avait reçu l'ordre de venir recopier à un grand nombre d'exemplaires une comédie de salon, œuvre larmoyante de Lady Dulcet, que Lady Ophelia avait mis dans son idée de faire représenter quelques jours plus tard, en assurant qu'elle aurait un succès de fou rire. Depuis plus d'une heure, Magali travaillait à cette besogne fastidieuse sur la grande terrasse qui précédait les principaux salons. L'air était ce jour-là lourd et étouffant, les mains de la jeune fille brûlées, ses joues s'empourpraient de chaleur et de fatigue. De temps à autre, elle s'interrompait en pressant quelques instants son front fatigué et regardait à Larry le bel épagneul qui se tenait couché à ses pieds et levait vers elle ses yeux intelligents. Il semblait vraiment compatir à sa lassitude, il remuait doucement la queue et Magali ne pouvait s'empêcher de sourire, de ce sourire ravissant qu'Isabelle déclarait irrésistible. Puis elle reprenait son ingrate besogne, Lady Ophelia ayant exigé que tout fût terminé au plus tôt. La cousine d'Isabelle, entourée de plusieurs jeunes filles en toilette claire, était assise à quelques pas de la table où travaillait Magali. Parfois, elle interrompait sa conversation pour appeler celle-ci, se faisait montrer les copies et critiquait ceci ou cela d'un ton blessant. Magali, bien qu'un peu frémissante au fond d'elle-même, demeurait fort calme et répondait d'un accent tranquille, très ferme, où passait à peine une petite vibration d'impatience. L'entourage de Lady Ophelia discutait sur l'attribution des rôles de la pièce de Lady Dulcet. Il n'y avait pas d'accord et Lady Ophelia finit par proposer « Demandons tout simplement l'avis de Lord Othil et de mon cousin. » Mais il faut auparavant que Gérald prenne connaissance de la pièce. Magali, portez un des exemplaires au duc de Staldiff en le priant de nous donner son avis là-dessus, ajouta-t-elle d'un ton autoritaire en se tournant vers la jeune fille. Lord Gérald était assis à une certaine distance près de la balustrade de la terrasse. Un peu renversé dans son fauteuil, la cigarette aux lèvres, il écoutait d'un air distrait son ami Lord Archibald Othil, qui lui contait les amusantes péripéties d'un raid à travers l'Écosse. Lorsque la voix brève de sa cousine s'adressant à Magali parvint jusqu'à lui, le duc se leva, jeta au loin sa cigarette et s'avança rapidement vers la table où travaillait la jeune fille. « Je vous remercie, » dit-il avec sa froide politesse accoutumée, en prenant le papier des mains de Magali. « Ophélia, vous voulez donc me condamner à m'endormir sur les élucubrations de Lady Dulcet ? Je vous avoue que je n'en éprouve aucune envie. »« Ce sera peut-être très drôle au contraire, mon bon, » dit Lord Archibald qui l'avait suivi. « J'ai lu des poésies d'elle, c'est tellement élégiaque que l'on en meurt de rire. »« Eh bien, Archie, mon cher, lisez-nous cela, » dit le duc en lui tendant le papier. « Vous avez un merveilleux talent de mime et vous allez nous donner une idée de toute la pièce. » De fait, Lord Othil était un irrésistible comédien. Très maigre, excessivement long, il avait un mince visage presque imberbe et rose comme celui d'un bébé, un nez de respectable volume, légèrement relevé à l'extrémité, des yeux bleus un peu saillants qui prenaient à volonté toutes les expressions. Ses cheveux roux bien plaqués, ses gestes typiques, sa voix bizarre, joints à un don inné de diction, achevaient d'en faire un comique absolument hilarant. L'œuvre de Lady Dulcet prêtait aux effets amusants, et le jeune homme, excité par la gaieté de son auditoire, s'en donnait à cœur joie de charger les personnages de la noble autoresse. Magali riait silencieusement. Cependant, à une tirade absolument étourdissante de Lord Othil, elle ne put retenir un éclat de rire, si jeune, si frais et délicieux, que Lord Archibald s'arrêta quelques secondes et que le duc se détourna vers elle. Un peu confuse de s'être laissée aller à sa gaieté naturelle, devant ces étrangers qui la considéraient comme une subalterne, elle baissa la tête et se remit à la tâche. Près d'elle, on parlait maintenant de l'interprétation de la pièce. Lord Gérald semblait se désintéresser à peu près de la question. Il laissait son amie discuter avec Lady Ophelia et les autres jeunes filles et se contentait d'un mot bref de temps à autre lorsque l'un ou l'autre lui adressait une question. Magali se leva. Elle avait enfin terminé et pourrait maintenant se préparer pour aller chercher son frère à la gare, car Freddy arrivait aujourd'hui et la jeune fille, malgré son violent mal de tête, se sentait toute joyeuse à cette pensée. « C'est fait ?» interrogea Lady Ophelia. « Oui, Milady, je puis me retirer maintenant, n'est-ce pas ?»« Mais certes non, vous allez nous servir le thé, » dit Lady Ophelia d'un ton péremptoire. Le visage de Magali eut une légère contraction. Quoi donc, allait-elle être privée de se rendre au devant de Freddy? Si Lady Isabelle avait été là, elle aurait protesté contre l'exigence de sa cousine, mais Magali connaissait assez Lady Ophelia pour savoir qu'une simple remarque de sa part aurait pour seul résultat d'amener quelques réflexions acerbes. C'était bien dur, pourtant, de ne pas accompagner Mademoiselle Noué au devant du cher collégien. Mais enfin, il fallait faire courageusement ce sacrifice en chrétienne qui sait supporter avec résignation les petites épines de la vie. Et ses mains frémissantes se mirent à ranger les papiers épars sur la table. « Il me semble que Mademoiselle Amélie m'a dit ce matin que Freddy arrivait aujourd'hui, » nid négligemment Lord Gérald en laissant retomber le lorgnon qu'il avait mis depuis un moment. « En effet, milord !» Elle leva la tête un peu surprise. « Par le train de 5h10, évidemment. Eh bien, vous n'avez que juste le temps d'arriver en partant dès maintenant, » dit-il après avoir jeté un coup d'œil sur sa montre. « Ophélia, vous serez obligée de vous passer de Miss Dolté aujourd'hui. Ce pauvre Freddy aurait une désillusion en ne trouvant pas sa sœur à la gare. »« Oh, le grand malheur !» dit-elle avec un léger mouvement d'épaule. « Elle le verra une heure plus tard, voilà tout. » « Je n'en vois pas du tout la nécessité. Disbin nous servira le thé aujourd'hui, comme il le fait d'ailleurs généralement, » dit le duc d'un accent sans réplique. « Oh, comme vous le voudrez, Magali ou Disbin, peu importe » répliquait-elle d'un ton de dédaigneuse indifférence. Les sourcils de Lord Gérald se froncèrent, un mot probablement mordant montait à ses lèvres. Cependant, il ne dit rien et se contenta de sourire avec une ironie marquée. « Que Freddy ne manque pas de venir me voir demain matin, Miss Dolté. Je serai très heureux de le recevoir, » dit-il en s'inclinant pour répondre au salut de Magali. « Voilà une demoiselle de compagnie qui me paraît peu faite pour cet emploi, » fit observer Lord Othil en la regardant s'éloigner. « Vous avez raison, Milord, » s'écria Lady Ophelia. Magali, ridiculement prétentieuse, elle possède un orgueil intolérable contre lequel je lutte difficilement. Je crois qu'Archibald ne voulait pas dire précisément cela, interrompit le duc railleur. Quant à l'orgueil dont vous accusez Miss Dolté, Ophélia, il me paraît bien atténué. Je n'en veux pour preuve que la patience avec laquelle elle supportait tout à l'heure vos petites exigences, patience dont je n'aurais, certes, pas eu le cas, je dois l'avouer en toute sincérité. « Vous, c'est vous, Gérald !» s'écria en riant Lady Ophelia. « Allez-vous vous comparer à une modeste électrice ? En vérité, il ne manquerait plus que cette Magali se révolta. Mais elle a vraiment des manières ridiculement fières pour sa position. » « Mais je ne trouve pas, » dit une jeune fille brune, la sœur de Lord Archibald, dont le regard malicieux ne quittait pas le beau et froid visage de Lady Ophelia. « Ces manières-là sont chez elle absolument naturelles et unies à la plus charmante simplicité. Et quelle beauté !»« Comme vous êtes follement enthousiaste, ma chère !» dit Lady Ophelia d'un ton sec. « Tout cela lui sera plus nuisible qu'utile dans sa position. » Quelle famille acceptera jamais une institutrice ou un professeur de musique ayant cette tournure et ces manières qui cherchent à singer la grande dame ? Songe-t-elle à donner des leçons ? Demanda Lord Othil, qui semblait beaucoup s'amuser de l'air vexé de Lady Ophelia, ainsi que l'indiquaient certains mouvements de son long nez. Évidemment, elle ne peut pas faire autre chose puisqu'elle n'a pas un penny à elle. Elle et son frère sont élevés par charité, tout simplement. Sont-ce vraiment des enfants trouvés ? Demanda Lady Anne d'Othil. Le duc, un petit sourire sarcastique aux lèvres, avait jusque-là écouté la conversation sans y prendre part. À la question de la jeune fille, il leva la tête avec quelque vivacité. Des enfants trouvés ? En vérité, non, milady. Leur origine paternelle, du moins, est connue. Ils sont d'une excellente et très ancienne famille française, parfaitement honorable. Quant à leur mère, nous savons seulement qu'elle était anglaise. Voyons, Ophélia, continuez vos distributions de rôles et ne manquez pas d'en donner un à Lord Archibald. Mais j'accepterai très volontiers, dit le jeune homme avec un salut comique. Certes, nous ne nous passerons pas de vous, milord, vous serez notre meilleur interprète. Et vous, Gérald, quel rôle désirez-vous ? Aucun, je n'ai pas du tout de disposition pour jouer la comédie, surtout la comédie lacrymatoire de Lady Delkay. Il s'interrompit. Un groupe de jeunes filles et de jeunes gens arrivait sur la terrasse à la suite de Lady Isabelle et, derrière eux, apparaissait le maître d'hôtel et ses acolytes apportant le thé. « Magali est sans doute partie pour la gare ?» demanda Isabelle en s'asseyant près de son frère. Il fit un geste affirmatif. Lord Othil, qui se trouvait près de son ami, dit en baissant la voix « La pauvre Mise a bien manqué se voir clouée ici par un caprice de Lady Ophelia, milady. Elle ne paraît pas tendre pour elle, votre belle cousine. Sans l'intervention de Gérald, Miss Dolté était obligée de manquer l'arrivée de son frère, son seul parent, je crois. En effet, et ils s'aiment tant tous deux. J'avais oublié de prévenir Ophélia qu'elle eût à laisser libre Magali à cette heure-ci. Elle savait cependant fort bien que Freddy arrivait aujourd'hui. Naturellement, elle le savait, dit Lord Gérald d'un ton moqueur. Elle était trop ravie de molester ainsi cette jeune fille qu'elle paraît détester. J'avoue que, pour ma part, malgré le souvenir plutôt antipathique que m'avait laissé Miss Dolté, j'ai été frappé aujourd'hui de la patience très digne dont elle a fait preuve. Elle doit posséder une rare force d'âme pour pouvoir réprimer ainsi une nature qui paraît ardente et extrêmement fière. « Et quel observateur vous faites, mon cher !» dit Lord Archibald en riant. « Prenez garde, milord, Gérald est terrible, il nous pénètre tous jusqu'au plus profond du cœur, » répliqua gaiement Lady Isabelle. « Quand vous le croyez occupé à vous écouter, il voit et entend tout ce qui se passe plus loin. En la circonstance, il ne s'est pas trompé. Magali a beaucoup à lutter contre sa fierté naturelle, surtout dans sa position, pénible parfois, malgré tous les soins que je prends pour la lui adoucir. » « Vous êtes à un bon petit cœur, Bella, » dit affectueusement le duc en posant la main sur l'épaule de sa sœur. « Mais je l'espère, Gérald, » répliqua-t-elle en riant, « et je suis contente que vous ayez montré le vôtre en prenant la défense de cette pauvre Magali. »« Je n'ai pas eu de défense à prendre, » dit-il avec froideur. « Il s'agissait simplement d'une question de justice ou d'humanité à votre choix, pour laquelle j'ai usé de mon droit de maître de maison. » Et avec son aisance accoutumée, il mit immédiatement la conversation sur un autre terrain. Freddy était arrivé. Magali, toute rayonnante, ne se lassait pas de le contempler, de l'entendre, de l'interroger. Il était toujours le même, mince, un peu frêle, charmant avec son teint très blanc, l'ovale délicat de son visage, ses cheveux bruns très bouclés, ses yeux bleus où se reflétait une âme fine, aimante et droite, un peu rêveuse. Malgré la minime différence d'âge, il avait 16 ans et Magali 18, Freddy considérait sa sœur comme une sage conseillère, une tendre confidente à laquelle il ne cachait rien. Elle était pour lui un être supérieur et, malgré son naturel un peu timide, il ne l'eût pas aisément laissé molester devant lui. Le lendemain de son arrivée, il avait accompagné Mademoiselle Amélie et Magali à la messe que disait chaque jour le chapelain d'Oker Park. Les Hawker étaient catholiques Et, en sortant, il s'était rendu chez le duc, ainsi que celui-ci l'avait demandé la veille à Magali. Maintenant, revenu près de sa sœur, dans le petit parloir de Mademoiselle Noué, il lui rendait gaiement compte de sa visite. « Lord Gérald a été si aimable, Magali. Il m'a dit qu'il voulait s'occuper de moi plus qu'il ne l'avait fait jusqu'ici, en ayant été empêché par ses voyages, et d'ailleurs étant si jeune lui-même. Comme il paraît sérieux pour son âge !» Cela était incontestable. Si peu que Magali eût vu le duc de Saldif, elle avait remarqué en lui une maturité d'esprit réellement supérieure à ses 24 ans. Près de ses amis, même plus âgés, il ressortait absolument par ce sérieux, d'ailleurs dépourvu de toute affectation, et qui ne l'empêchait nullement de prendre sa part des plaisirs d'Oker Park, bien qu'il parût indifférent au succès mondain assez recherché par lui autrefois. Il est vrai, ceci était une réflexion de Magali, que son orgueil devait le porter à cette indifférence dédaigneuse, de même qu'à se distinguer de ses compagnons par cette attitude de raison supérieure. Enfin, elle lui devait néanmoins quelque reconnaissance. Sans son intervention de la veille, Freddy aurait été privé de trouver à la gare sa chère Magali. Il avait montré que, s'il était très fier, il n'entendait pas néanmoins tomber dans les mesquines méchancetés de sa cousine. « Freddy, mon cher enfant, n'oubliez pas que sa grâce vous a invité à vous rendre au tennis, » dit Mademoiselle Amélie qui entrait. « Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus, » dit-il en se levant vivement. « Viens-tu, Magali ?»« Lady Isabelle m'a dit hier qu'elle comptait sur moi, mais vraiment je n'y tiens guère, Freddy. »« Si, viens, ma Magali, » dit-il d'un ton suppliant. « Sans cela, je n'irai pas, car je ne veux pas te quitter si tôt le premier jour de mon séjour ici. »« Du moment où Lord Gérald vous a invité, en insistant, m'avez-vous dit, vous ne pouvez manquer de vous y rendre, mon petit Freddy, » fit observer Mademoiselle Amélie. « Mais Magali peut très bien y aller aussi, pour une fois, puisque Lady Isabelle lui a demandé. » Magali, sans empressement, alla revêtir son costume de flanelle blanche et, ayant rejoint Freddy, descendit avec lui pour gagner le parc. Comme il longeait la grande terrasse, afin de prendre un escalier les conduisant plus directement au tennis, une porte-fenêtre de l'appartement du duc de Saldif, qui occupait toute cette partie du château, s'ouvrit pour livrer passage à Alary, le chien favori de Lord Gérald. Derrière lui apparut le jeune duc, en correcte tenue de tennis. Il eut un imperceptible mouvement d'arrêt en apercevant les deux jeunes gens, puis il s'avança vers eux de l'allure élégante et souple qui lui était particulière. « Vous voilà en retard comme moi, Freddy, » dit-il, tout en saluant Magali. « J'ai été retenu par un important courrier et, pendant ce temps, mes hôtes m'attendent là-bas. Vous vous joignez aussi à nous, Miss Holté. Lady Isabelle me l'avait demandé hier, Milord. « Cependant, sans Freddy qui a voulu m'emmener, je ne me serais pas décidé, je crois. »« Pourquoi donc ?» dit-il tranquillement, tout en se remettant en marche. « Le temps est vraiment beau, un peu frais, fait à souhait pour le tennis. »« Et Freddy ne sera pas privé de sa sœur. »« Savez-vous, Miss Magali, que je le trouve bien peu changé, ce petit Fred ?» fit-il en passant affectueusement la main sur les boucles sombres du jeune homme dont la tête dépassait de très peu son épaule. « Je crois le revoir à 8 ans dans le salon de ma cousine de Volberg. » Une ombre descendit sur la physionomie de Magali. Ces jours douloureux de son enfance étaient toujours présents à sa mémoire. Elle revoyait aussi nettement qu'alors le blanc visage de sa mère. Il lui semblait encore sentir ce froid terrible. Et ensuite, ce retour à la vie au milieu d'étrangers, ces jours qui avaient suivi, jours de désolation et d'amère tristesse. Oui, les paroles du duc de Saldif venaient d'évoluer tout ça devant elle. Il en eut probablement conscience, car il changea aussitôt de sujet et se mit à questionner Freddy sur ses études, avec un intérêt qui changeait un peu l'expression altière de sa physionomie. « Allons, Alary, ici !» dit-il tout à coup, en voyant l'Espagnol bondir autour de Magali pour quêter des caresses. « Il paraît vous avoir en particulière affection, Miss Holté. Peut-être reconnaît-il en vous une presque compatriote. »« Comment cela, Milord ?» Alary, ainsi que son nom l'indique, est né au pays de Mireille. Il m'a été donné par un de mes meilleurs amis de France, le marquis d'Oulède, un Provençal si fou de sa petite patrie qu'il s'était mis dans la tête de me la faire connaître et aimer. Il y a fort bien réussi, du reste. Il m'a même appris la langue des faits libres. Ceci est une connaissance qui doit être assez rare parmi mes compatriotes, je suppose. « Je le crois, » dit Freddy en souriant, « mais votre grâce a reçu le don des langues et cette étude a dû être un jeu pour elle. J'aimerais beaucoup à connaître ce pays de mon père. »« Eh bien, il faudra y aller, mon cher Fred. Mon ami Oulède vous accueillera avec joie, il vous fera parcourir sa bien-aimée Provence et vous montrera Arles, sa chère cité. Arles, la belle grecque aux yeux de Sarrasine. » Le regard de Freddy se leva vers sa sœur. « Oui, c'est tout à fait cela, » murmura-t-il. « Quoi donc, Freddy ?» murmura Magali, surprise. « Je pensais que tu ressemblais à Arles, ma sœur. »« Quelle folie me racontes-tu là, mon pauvre Fred ? » dit-elle avec un léger mouvement d'épaule. « Comment, une folie ? N'est-il pas vrai, Milord, qu'elle a tout à fait le type arlésien ?»« Cela est incontestable, en effet, » répondit brièvement le duc. Ils arrivaient en vue du tennis. On attendait sans doute impatiemment Lord Gérald, car il y eut, en le voyant, d'unanimes exclamations satisfaites. « Mais que vous arrive-t-il, Gérald ? » s'écria Lady Isabelle. « Nous allions commencer sans vous. »« Et vous auriez fort bien fait. Je vous prie de m'excuser, Milady. J'avais un courrier pressant à expédier, mais, pensant en avoir fini plus tôt, je n'avais pas envoyé prévenir. » Et j'ai rencontré deux autres retardataires, ajouta-t-il en désignant Magali et son frère. Ah, Freddy, je suis très contente de vous revoir, dit aimablement Lady Isabelle en tendant la main au jeune homme. Il est toujours le même, Gérald. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure à Miss Magali, dit Lord Gérald en se détournant pour faire signe aux domestiques d'apporter les raquettes. Ces deux jeunes gens sont vraiment d'admirables types, chacun dans leur genre, murmura Lord Outil à l'oreille de sa sœur. En effet, et quelle distinction innée! Êtes-vous forte au tennis, Miss Oltay? Demanda amicalement Lady Anne en se rapprochant de la jeune fille. De première force, de force à se mesurer avec Gérald, ce qui n'est pas peu dire, s'écria Isabelle. « Je crois bien que Gérald est invincible, » dit Lord Archibald en frappant sur l'épaule de son ami. « Le camp qui le possède est d'avance assuré de la victoire. Si vous pouvez le vaincre, Miss Oltay, je vous fais d'avance mes compliments. »« Ils sont bien prématurés, Milord, » répondit-elle en riant. « Je suis certainement loin de l'adresse que me prête Lady Isabelle. »« Nous allons voir cela, » dit le duc en prenant sa raquette des mains du domestique. « Archie, mon cher, organisez les camps, s'il vous plaît. » Dès le début de la partie, l'opinion se trouva fixée sur la véracité de l'assertion de Lady Isabelle. Magali était une joueuse de tennis tout à fait hors ligne. Parmi ces jeunes personnes rompues au sport, aucune ne l'égalait en souplesse, en merveilleuse adresse, aucune non plus n'avait cette grâce tranquille, cette incomparable élégance qu'elle conservait jusque dans les mouvements les plus imprévus, déterminés par le renvoi de la balle. Lord Gérald, placé dans le camp opposé, était cependant un adversaire redoutable. Bientôt, la lutte sembla se circonscrire entre eux. Quelques-uns des joueurs, même, s'étaient arrêtés pour mieux suivre les péripéties de ce match entre ces deux êtres également beaux, souples, élégants, dont les coups superbes soulevaient d'enthousiastes hurrahs. Magali, tout entière à ce jeu qu'elle aimait, se laissait aller simplement à son entrain naturel. Elle se donnait toute au plaisir de lutter contre un partenaire très supérieur aux autres, sans aucune arrière-pensée d'amour-propre ni désir de victoire. Mais elle s'aperçut tout à coup que le duc de Saldif jouait maintenant avec une sorte d'irritation froide, que ses yeux bruns, étincelants d'une colère dédaigneuse, semblaient la défier. Et quelque chose s'agita en elle, monta à son cerveau, un peu de l'orgueil si bien combattu se ralluma à l'idée que ce grand seigneur s'irritait de se voir égalé, ne fût-ce que sur ce terrain insignifiant, par une humble lectrice. Une flamme de fierté jaillit des yeux de Magali qui croisait ceux de Lord Gérald très sombres. Une seconde, ils parurent se mesurer. D'un geste nerveux, Magali relança la balle. mais la raquette de son partenaire demeura immobile, la balle alla se perdre très loin dans la prairie. « Hurrah ! Voilà un match de premier choix !» s'écrièrent les autres joueurs en se rapprochant. « C'est merveilleux en vérité !»« Vous voilà vaincu pour la première fois, mon cher Gérald !» dit Lord Othil. « Il est vrai que vous n'avez pas riposté au dernier coup !» Le duc passa lentement un mouchoir sur son front un peu moite. « En effet, dit-il d'un ton indifférent, il fallait en finir, nous aurions pu combattre ainsi jusqu'à ce soir, étant égaux en adresse. »« Mais non en force, vous vous êtes trop fatiguée, Magali, dit Lady Isabelle en voyant le teint mat de la jeune fille empourpré par la chaleur. « Oh, ce ne sera rien, mais il est vrai que je me donne toujours avec trop d'ardeur à ce jeu. » Je reconnais que ma sœur n'avait rien exagéré. Vous jouez en effet supérieurement, Miss Dolté, dit Lord Gérald d'un ton quelque peu contraint. Et cependant, elle accepte si rarement de se joindre à nous, Gérald. Vous savez bien que j'ai autre chose à faire, Isabelle, répliqua gravement Magali. Évidemment, dit le duc d'un ton sec. Il se détourna pour parler à Lady Dothil, et, un peu après, tous les joueurs reprirent le chemin du château.